André Vézeau est une figure bien connue à Malartic. À 52 ans, il est le président-directeur général des ambulances Abitémis. Il a également occupé les fonctions de conseiller à la ville de Malartic à la fin des années 80. Cette fois, il revient en politique pour occuper le poste de maire. Parce que, vois-tu, je suis très impliqué dans la communauté à Malartic. On est très, très présent depuis plusieurs années. Puis là, le poste est ouvert, fait que tiens, pourquoi pas aller s'en occuper plus directement. André Vézeau arrive au poste de maire alors que la ville doit composer avec un dossier chaud. L'entreprise Osisko Exploration souhaite développer la plus grande mine d'or à ciel ouvert au Canada. Mais l'entreprise doit déménager 180 maisons et 5 bâtiments publics, ce qui ne fait pas l'unanimité. Des dizaines de résidences ont déjà été déplacées. La minière devra passer à travers le processus d'audience publique avant d'obtenir le feu vert pour exploiter le gisement d'or. Le nouveau maire de Malartic, André Vézeau, souhaite une plus grande transparence des dirigeants de la mine. Personnellement, ce que je veux faire, c'est de continuer à les aider à ce que ça se fasse, mais que ça se fasse selon les règles de l'art. Il y a des lois et règlements à suivre, puis il y a le après la mine, qu'est-ce qui va se passer après, parce que j'imagine que dans 15, 20, 25 ans, ça va fermer. Il faut que Malartic reste ouvert, puis il faut qu'il reste ouvert avec des bonnes structures. André Vézeau rencontrera cette semaine l'ex-maire de la municipalité, Fernand Carpentier, afin de mettre à jour tous les dossiers. Jocelyn Corbeil, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.